Papa, pourquoi t'as l'air triste? C'est l'histoire d'une petite fille, c'est l'histoire d'un petit roi. Elle habite loin près de Manille, il habite au-dessus de chez toi. Elle a raconté son histoire à la télé il y a quelques jours. Vision d'horreur, de désespoir. Et puis demain, on oublie tout. Le petit garçon au-dessus de chez toi qui crie appel au secours. Tu te demandes, moi je fais quoi? Et puis s'il s'en prenait à nous. Le son résonne dans ta tête, étouffé par une pluie de coups. Alors tu fumes une cigarette. Et puis demain, on oublie tout. Ne demande jamais la faute à qui. Ne me demande jamais si on oublie. Ne demande jamais si c'est la vie. Ne demande jamais si c'est juste ainsi. Ne me demande jamais. En voiture, un sans-abri, au feu de monde, un peu d'argent. C'est si triste, tu te dis, il fait si froid en plein décembre. Tu l'imagines le soir dehors, alors là tu lui donnes tout. Après quelques heures on s'endort, et puis demain on oublie tout. Chérie, viens, on part en vacances, après tout on le mérite bien. Viens, marre de travailler pour la France, marre de travailler comme un chien. Et puis c'est pas notre faute à nous, non. Nous la misère, on n'y peut rien. Viens, on s'en va, on oublie tout, viens. On fait semblant d'être des gens bien. Ne demande jamais la faute à qui. Ne me demande jamais si